Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Jean-Claude Galota. Bonsoir Jean-Claude Galota. Bonsoir Alban. Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Jean-Claude Galota, vous êtes, et ce quasiment depuis vos débuts, un chorégraphe connu et reconnu au-delà de nos frontières. Un chorégraphe qui voyage, dont les spectacles voyagent, mais un chorégraphe, et c'est notable, qui n'a jamais quitté sa ville natale, Grenoble. Une ville où vous avez grandi, étudié, où vous avez fait vos premiers pas de danse. Une ville à l'histoire de laquelle vous appartenez, comme Stendhal, ce qui pose son chorégraphe, même si lui n'avait pas pour Grenoble des mots très tendres, ce qui, j'en suis sûre, n'est pas votre cas. Ce n'était pas voulu, Jean-Claude Galota, mais cette nuit rêvée tombe à pic puisque cela fait 40 ans cette année qu'avec Mathilde Altaraz, vous avez fondé votre compagnie, le groupe Émile Dubois. C'était à Grenoble donc, après un séjour aux États-Unis, nous allons y revenir. Avec vous, Grenoble est devenu en 1984 l'un des tout premiers centres chorégraphiques nationaux que vous avez dirigé jusqu'en 2016, ce qui fait un sacré bail, installé dans la Maison de la Culture, le Cargo, la MC2, dont vous avez été également le directeur de 86 à 88. En 40 ans, beaucoup d'eau de l'Isère a coulé sous la passerelle Saint-Laurent et les chorégraphies sont venues par dizaines constituer votre très riche répertoire. Cette nuit sera l'occasion de refaire en votre compagnie, c'est le cas de le dire, et par fragments, votre parcours de grenoblois et de chorégraphe. Avant que nous nous plongions dans votre nuit rêvée, émission dans laquelle il est demandé à l'invité de composer un programme d'archives radiophoniques à partir du fond de l'INA, j'ai d'abord envie de vous demander, en reprenant une formulation qui vous est chère, comme auditeur, Jean-Claude Galota, avez-vous un bon rapport avec la radio ? Oui, j'ai un bon rapport avec la radio parce que je peux danser en écoutant, voilà. Chose que je ne peux pas faire devant une télévision, par exemple. Donc la radio a été vraiment un support important, soit pour écouter des musiques, en chercher, en découvrir, soit pour entendre des voix, beaucoup France Culture aussi, pour m'immerger, apprendre des choses, tout en dansant. D'ailleurs, ça m'a servi pour des performances où je mettais justement des bandes-son et je dansais sur ces bandes. Au fil des heures de votre nuit rêvée, donc, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, il sera question de Merce Cunningham, Ulysse, de Pierre Boulez et Franck Zappa, et du rock au féminin. Puis Serge Gainsbourg, Françoise Sagan, Hervé Guibert et enfin Patrice Chéreau. Toutes les archives du programme que vous avez composé pour cette nuit renvoient directement ou indirectement à la danse, à l'une ou l'autre des chorégraphies que vous avez signées ou à un projet que vous avez eu à un moment. Cela veut-il dire que vous voyez tout à travers le prisme de la danse ? Alors, oui et non. Moi, j'ai choisi la danse parce que j'avais l'impression que c'était le premier art, l'art le plus simple. Il s'agit de son corps. On n'a pas besoin d'autres artifices. Et donc, quand j'étais au Beaux-Arts, justement, je peignais sur mon corps, je faisais des performances body art, en fait. Donc, pour moi, c'était vraiment un sentiment de partage avec mon corps, avant même que ce soit la danse. Je dirais que voilà, c'est plutôt l'histoire du corps. D'ailleurs, au début, j'étais tellement pas danseur, croyais-je, que j'avais intitulé ça le mal tag. C'est un anagramme entre Mathilde et Galota. Et du coup, j'inventais des formes comme ça, un peu spéciales, mais pour parler du corps. Et je me disais, bah ça, c'est sans frontières. Je pourrais rencontrer tous les autres arts, toute l'humanité, tout le monde. Je pourrais vraiment partager. Alors, du coup, forcément, ça m'a donné ce prisme-là. Mais en même temps, je voulais pas être que dans une spécificité. C'est pour ça que j'ai fait un peu de cinéma, j'ai continué la peinture, je rencontre beaucoup, pour échapper aussi, voilà. C'est la tentation de garder quelque chose qui soit transformable et en même temps de s'échapper dès qu'on est trop contraint, notamment dès qu'on est dans une institution, dès qu'on devient centre chorégraphique. Alors, c'est formidable parce que du coup il y a une sorte d'aide, mais des fois on a l'impression qu'on nous met un carcan. Et donc là, j'ai envie des fois je dis que je suis pas danseur, voilà. Est-ce qu'un chorégraphe, ou au moins le chorégraphe que vous êtes, est quelqu'un qui voit dans le monde qui l'entoure la danse que les autres ne voient pas? Dans la rue, dans les images du monde, dans la vie politique, dans les autres arts, le cinéma, la peinture, la musique, la poésie, voyez-vous la danse, Jean-Claude Galota? Oui, enfin, ou cette forme de danse, une forme de danse que j'ai inventée aussi. Donc c'est plutôt de, comme dirait Hervé Guibert, racheter la mort des gestes. Il dit, il y a plein de gestes comme ça qu'on fait tous. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup pris dans le geste quotidien, même si dans mon vocabulaire, il y a beaucoup, beaucoup de styles. Il y a beaucoup aussi, je crois que j'ai amené beaucoup ça à la danse, c'est les choses du quotidien, de faire des petits gestes, ce que j'aime bien faire ça. Et je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens et je vois ces petits gestes. Et c'est aussi... à travers les autres arts, c'est plutôt comment la danse va, comme une eau courante, va se couler finalement dans les autres aventures. Donc c'est plutôt d'être un peu caméléon, d'aller voir les autres formes et d'essayer de voir comment moi je peux tout doucement m'apprivoiser à ces autres formes. Mais diriez-vous de la danse que c'est la seule manière d'être au monde qui se soit imposée à vous ? Non, pas au départ. Au départ, justement, vous savez, j'ai découvert la danse 20-22 ans, donc j'avais pas vu de spectacle de danse, j'avais jamais dansé, ou du moins pas de manière théorique, technique. Je dansais comme ça. Toujours pareil, j'utilisais mon corps pour soit faire le pitre, soit m'amuser comme ça. C'était dans des soirées. Mais non, c'était pas la danse du tout. D'ailleurs, je voulais être peintre. Et c'est par la peinture, en fait, par le dessin, que j'ai découvert la danse. Et là, tout à coup, c'est devenu intéressant parce que j'ai découvert cet art en me disant, mais si je détourne cet art, si je m'en sers, je pourrais peut-être faire quelque chose. J'avais l'impression que c'était assez simple. Voilà, j'avais, parce que théâtre, je me disais, mon Dieu, mais je connais pas assez toute la littérature. Enfin, on se fait un monde des autres arts. Là, le cinéma, mais c'est trop technique. Voilà, donc le dessin, ça allait parce que j'étais un peu doué en dessin, donc j'avais l'impression que j'arrivais à le faire. Mais la danse, non, il fallait que j'apprenne. Et donc, c'est avec Merce Cunningham que s'ouvrira le programme de votre nuit rêvée, avec un numéro de Radio Danse proposé par Laurent Goumard, Stéphane Bouquet et Aude Lavigne en 1999. Votre rencontre avec Merce Cunningham, 40 ans après, considérez-vous que cette rencontre a déterminé beaucoup de votre histoire, Jean-Claude Galota? Oui, absolument. Alors, il y a d'abord eu la danse, une danse tout à fait simple, de gala de fin d'année, parce que j'ai vu tout à coup ces corps bouger dans un théâtre. Je me suis dit, tiens, tout ce que je cherche en peinture, je le vois là, avec des corps qui bougent dans un espace théâtral. Et puis, Merce Cunningham, ça a été vraiment de la pensée. C'est-à-dire, au-delà de la technique, il m'a donné du courage pour créer, en disant qu'il faut inventer ses propres formes, qu'il allait partout, aussi bien dans les musées que dans les théâtres, qu'il a décentré l'espace, c'est-à-dire que tout à coup, on pouvait mettre plusieurs choses. Il n'y avait pas qu'une seule technique, de regard notamment, et puis une liberté dans la construction, et aussi la séparation de la danse et de la musique. Pour moi, c'était important, parce que j'arrivais pas à danser en musique, j'étais trop influencé par la musique, donc il fallait que j'arrête la musique pour trouver mes propres gestes, pour que ça devienne vraiment quelque chose d'authentique. J'avais pas envie de faire de la danse illustrative, il fallait que ça soit aussi fort que la peinture, la littérature, il fallait que les gestes que je trouve soient vraiment très profondément ancrés en moi, que j'exprime quelque chose. Et parce que vous dites d'ailleurs que la musique et la danse ont parfois un rapport incestueux. Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est vraiment Merce Cunningham qui m'a appris ça, à dire... alors, je le faisais comme ça, naturellement, mais je pensais que j'étais le seul et que c'était iconoclaste. Et quand j'ai vu que Merce en avait fait une théorie, ça m'a soulagé. Il disait la danse et musique. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Mmh. que je vais découvrir aussi après en Afrique, parce que alors eux, ils ont le même mot pour la danse et pour la musique. Donc je me dis, tiens, il y a quelque chose là. Donc ça m'a donné du courage pour continuer. Et donc c'est vraiment le maître à penser, Kuniga, même si je ne suis pas forcément sa technique, hein, j'ai fait une autre technique, c'est vraiment sa manière de penser la danse qui m'a aidé. Et Cunningham a-t-il été indirectement à l'origine de la naissance du groupe Émile Dubois ? J'avais déjà fait le groupe Émile Dubois avant d'aller à New York, mais c'était dans cette mouvance John Cage, Marcel Duchamp, puisque Émile Dubois, je le dis maintenant facilement, à l'époque je le disais pas, mais Émile Dubois vient directement de Marcel Duchamp. Émile, Marcel, Dubois, Duchamp. Voilà, c'était vraiment un hommage. Donc c'est un hommage à toute cette mouvance artistique qui va de Fluxus à Cunningham. Et où en était la danse en France quand vous fondez le groupe Émile Dubois avec Mathilde Altaraz ? Alors, on ne savait pas tout parce qu'il n'y a pas autant de réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Donc, il fallait vraiment aller à la pêche aux informations. À l'époque, c'était très néoclassique. C'était Maurice Béjart, le grand dieu. Et alors, nous, on a beaucoup aimé ça avec Mathilde. Et après, justement, on a voulu s'en détacher. Donc, il y avait Maurice Béjart d'un côté, Caroline Carlson, qui a commencé à apporter une forme de danse moderne. Et Cunningham était réservé vraiment à une certaine élite ou à des gens. Par exemple, dès qu'on parlait de danse et qu'on parlait de Cunningham, les gens étaient horrifiés. C'était vraiment pas la personne. Et nous, justement, on est allé vers cette chose un peu rare, un diamant que personne connaissait trop. Et on a voulu développer ça. Et à votre avis, qu'est-ce que Merce Cunningham a bouleversé dans la danse, non seulement, mais peut-être au-delà de la danse? Oui, alors, quand je parle de cette époque, encore une fois, Merce Cunningham était vraiment détesté, à la fois dans le milieu de la danse, et dans le milieu des arts, puisqu'on comprenait pas trop ce qu'il faisait. D'ailleurs, jusqu'à longtemps, tous ces spectacles étaient hués, sifflés, c'était vraiment l'antithèse de la danse. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de cet apport. Enfin, nous, je pense qu'on a contribué à faire comprendre, parce que moi, dès que j'étais un peu connu, je parlais de Merce Cunningham. Les gens étaient un peu étonnés, parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait pas du tout. Mais je disais, mais c'est la pensée, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fabriqué avec John Cage. Et petit à petit, je pense que ça y est, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les univers des uns et des autres. Et tout à coup, il est devenu un personnage important et dans l'histoire des arts et dans la danse. Quand vous travaillez une chorégraphie, avez-vous des bons rapports avec le hasard, cher à Cunningham ? Oui, même si je construis beaucoup, je laisse toujours une part avec le danseur. Qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, j'utilise des accidents ou des erreurs. Un danseur qui a pris un mouvement pour un autre, je dis, ah mais non, garde-le. Voilà, on joue beaucoup. En fait, on est très joueurs dans la compagnie. Moi, j'apporte une petite écriture comme ça pour leur donner un déclencheur. Et ensuite, eux, ils s'amusent avec ce que j'ai donné. Et on regarde ce que ça donne. On rajoute des personnages. Voilà, c'est très, très drôle, en fait. Et puis, parfois, il y a le hasard de la vie. Par exemple, avec Kiki à Lyon. Ah oui, Kiki à Lyon. Ah oui, dans un restaurant. On rencontre, c'était le restaurateur qui s'est mis tout à coup à fermer les rideaux et à se mettre à faire la danse du ventre. Voilà, donc ça, c'est des rencontres inattendues. Mais ça, j'ai toujours aimé regarder le monde et puis d'essayer de le faire rentrer dans les spectacles. Avez-vous, quand vous montez un spectacle, le souci du public, le souci d'être entendu, de susciter l'intérêt et le plaisir chez les spectateurs, ou est-ce que cela passe après la nécessité pour vous d'une chorégraphie, après votre propre désir? Alors, il y a d'abord le désir, et puis ensuite, j'essaye de trouver, sans perdre ce désir, la manière de le montrer au plus grand nombre, et le plus directement, le plus simplement possible. Alors, ce que je me disais, parce qu'avant je me posais pas trop la question, je faisais mes choses et puis j'espérais que les gens l'aiment ou le regardent, mais j'étais prêt à subir les foudres. Hein. Et aujourd'hui je me dis, j'essaye de trouver la bonne manière pour transmettre mon message. Si je trouve pas, je garde mon message intact, je change rien. Mais si je trouve, j'ordonne un peu mon message vers l'autre sans perdre l'origine. Voilà, c'est un peu ce que je me donne comme contrainte. Claude-Henri Buffard, écrivain, scénariste, romancier et dramaturge, avec qui vous avez écrit quelques pages de l'histoire de la danse. Claude-Henri Buffard, donc, dit de vous, il se tient résolument du côté de la vie. Bon, bah, c'est bien. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que, alors que je suis un angoissé, j'ai été longtemps angoissé par la mort, par des histoires personnelles, de famille, mais c'est vrai que la vie donne quand même ce sentiment d'être éveillé, de regarder ce qui se passe, d'être joueur et de tenir, voilà. C'est tenir parce que ça va trop vite, quoi. Donc la mort va arriver, donc il faut donner de la vie, il faut donner du sentiment. Et d'ailleurs, je ne perds jamais cette idée. J'ai l'impression que dans mes spectacles, je donne de la vie pour apprendre à mourir. J'ai l'impression que je parle aussi de ce qui peut se passer, que la vie c'est pas non plus gai et rose, mais qu'il y a quelque chose d'autre, mais que du coup c'est suffisamment en pointillé pour qu'on soit pas angoissé comme je le suis, mais qu'on se prépare aussi à des choses tristes, je crois. A Babbitt met a bromide on the avenue one day, an elven conversation in their own peculiar way. They both were solid citizens, they both had been around, and as they spoke you clearly saw their feet were on the ground. Hello, how are you? How's the folks? What's new? I'm great. That's good. Ha ha, knock wood. Well, well, that's life. What do you know? How's a wife? Gotta run. Oh my. Ta-ta. Olive oil. Goodbye. Years went quickly by for both these substantial men, and then it happened that one day they chanced to meet again. That they had both developed in 10 years, there was no doubt, and so of course they had an awful lot to talk about. Hello, how are you? How's the folks? What's new? I'm great. That's good. Ha ha, knock wood. Well, well, that's life. What do you know? How's a wife? Gotta run. Oh my. Ta-ta. Olive oil. Goodbye. Nous écoutons Fred Astaire et Gene Kelly dans un extrait de Ziegfeld Follies. Que devez-vous à la comédie musicale américaine, aux grands films musicaux de la MGM et de la RKO, à ce versant populaire et américain de la danse, Jean-Claude Galotta ? Eh bien, je suis très heureux qu'on parle de ça. Parce que quand je disais que je n'avais jamais vu de danse et fait de danse entre 20 et 22 ans, où j'ai découvert cet univers, mes seules références étaient la comédie musicale, parce que j'aimais le cinéma, et donc je mangeais de la danse sans le savoir par les comédies musicales. Et ça m'est toujours resté. Et alors, quand on est entré dans le cunninghamisme, dans la danse contemporaine, il fallait surtout pas parler de ça. Comme si c'était interdit, comme si c'était un peu vulgaire, voilà, c'était un peu jazz. Un peu trop populaire. Trop populaire, exactement. Et donc, il y avait une interdiction, et j'étais triste parce que je trouve que ça m'a vraiment nourri, notamment dans la construction, dans la façon d'être joueur, d'être vivant. Ils ont mélangé des genres à l'époque déjà, aussi bien dans les techniques, des choses de classique, du classique était détourné, ce qui était incroyable. Il prenait justement des gens, des gros, des maigres. Il y a des scènes fabuleuses dans les comédies musicales. Donc, presque sans le vouloir, ils étaient en avance sur tout ce que nous, on allait chercher, où on va débattre là-dessus, on va y apporter une intellectualité, ce qui est bien aussi. Mais j'ai trouvé dommage, et aujourd'hui, je suis heureux de dire, ben non, c'est génial. Voilà, grâce à cette nuit, vous pouvez réunir Merce Cunningham et Fred Astaire et Gene Kelly. Exactement. Alors là, ça aurait fait un trio extraordinaire. Et puis si je pouvais me mettre derrière, alors là, ça serait le top. Monter une pure comédie musicale avec comédie, danse, chanson, musique, est-ce quelque chose que vous pourriez, que vous aimeriez faire, ou est-ce selon vous un tout autre travail que celui que vous faites ? Alors, je suis partagé. Je pourrais dire non. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que j'y arrive mieux en faisant mes propres travaux contemporains et en injectant des choses comme ça, des petits clins d'œil. Ou alors, quand je fais un travail sur le rock, là aussi, c'était un peu iconoclaste dans notre milieu d'art contemporain, de mettre du rock, de mettre Bachung, de mettre Gainsbourg, c'était limite. Mais justement, j'ai l'impression de faire un peu de la comédie musicale intello, entre guillemets, avec ce style-là. Aujourd'hui, je sais pas, j'hésiterai. Pour l'instant, je dirais non. Je préfère faire ce que j'ai à faire et encore une fois, inviter toutes les formes qui peuvent être un peu comme ça intéressantes plutôt que de m'immerger. Je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi d'abord. Et puis, j'apporterai rien, je pense. Après le très mythique Merce Cunningham, c'est avec un héros encore un peu plus mythique, Ulysse, que se poursuivra le programme de cette nuit. Nous entendrons la première partie d'une petite conférence sur le personnage d'Homère prononcée par Jean-Pierre Vernant en 2001 devant un jeune public à Montreuil. Ulysse, c'est le titre d'une chorégraphie dont on peut dire qu'elle vous a révélé votre carte de visite, dites-vous. Si j'ai bien compris, initialement, à part son titre, cette chorégraphie n'avait pas de lien direct avec Ulysse, l'Odyssée et Homère. Ulysse, c'était en 1981, vous en avez ensuite donné plusieurs versions. Comment Ulysse, celui d'Homère et celui de Joyce, se sont-ils finalement glissés dans les différents spectacles au fil des années ? C'est vrai que Ulysse, c'était un peu une somme. J'avais fait plusieurs chorégraphies, on est dans les années 80. Il n'y a pas encore cette nouvelle danse qui va être désignée justement avec des travaux comme celui-ci, comme Ulysse. Il n'y avait pas encore les centres chorégraphiques. Enfin, la danse contemporaine française n'était pas encore vraiment née. Et donc moi, j'avais fait des différentes pièces. Et Ulysse était un peu un rassemblement de tout ce que j'avais imaginé. Tout ce que je disais sur le geste quotidien. Essayer de faire un ballet. Parce que nous, on faisait plutôt des petites performances comme ça, mais là, c'était d'essayer de rivaliser ou de dialoguer avec le ballet. Est-ce que moi, je pouvais faire un ballet comme Maurice Béjart, comme Caroline Carlson ? Et donc, c'était un ballet d'1h20, donc c'était assez rare avec des danseurs. De blanc vêtu. Tout de blanc vêtu, voilà, le fameux ballet blanc, parce qu'il y a toujours une envie, un peu comme on raconte pour les musiciens, ils ont toujours l'envie de faire un requiem. Les chorégraphes ont envie de faire un ballet blanc. On peut retrouver comme ça des traces de ballet blanc dans chaque chorégraphe. Et donc, voilà, c'était un peu une somme. Et vraiment, ça a eu un retentissement incroyable parce que justement, ça a désigné comme ça cette nouvelle danse française qui s'affirmait. Et quand je le construisais, en fait, je savais pas comment il allait s'intituler. C'était simplement une affaire de construction. Et d'ailleurs, à l'époque, je trouvais que c'était trop construit par rapport à la théâtralité que j'aimais. J'avais fait beaucoup trop le chorégraphe. Voilà. Mais c'est ça qui a plu, en fait. Tout à coup, je me suis dit, j'ai vu ce blanc rêvé. Je me suis dit, mais c'est un voyage. Pourquoi pas Ulysse ? C'est l'Odyssée, c'est la première littérature. Et en même temps, en plus, il y a celui de Joyce, qui est justement intellectuel. Et je me suis dit, mais je vais être protégé avec ça. C'est à la fois une grande épopée populaire, Ulysse, même si les gens l'ont pas lu, mais ils savent de plus ou moins de quoi il s'agit. Et puis Ulysse de Joyce, que beaucoup n'ont pas lu, mais on sait que c'est un monstre de la littérature. Je me suis dit, ben voilà, du coup, allez, j'y vais. Et alors, il y avait rien d'Ulysse à l'intérieur du ballet. Et là, tout à coup, après les représentations, une fois que j'ai donné le nom, tous les gens qui me parlaient d'Ulysse, d'Homère, d'Ulysse de Joyce, qui voyaient plein de choses, ils voyaient les sirènes, et tout, je dis mais c'est extraordinaire, la force de la poésie, la force de la danse. Je me suis dit mais c'est ça la communication, l'art, la culture, c'est qu'on déclenche des choses et les autres voient plein d'autres choses, inventent, parlent. Et j'ai dit c'est génial. Donc voilà, Ulysse. Ulysse, Pandora, Daphnis et Chloé, les figures mythologiques, les personnages mythiques de la littérature, de l'histoire ancienne ou contemporaine, voire même du rock'n'roll, les figures mythiques donc, occupent une place importante dans vos créations. Pourquoi ce besoin des mythes? D'où vous vient ce bon rapport avec les mythes? Alors, il y a deux choses. C'est à la fois... moi, j'aimais beaucoup la mythologie. C'est la seule chose que j'aimais quand j'apprenais des... Enfin, j'étais un cancre, mais là, ça, la mythologie, j'étais très fort. Et c'était même... c'était un jeu, c'était spirituel aussi. Parce que je croyais pas en Dieu, mais je croyais au Dieu. Voilà, au Dieu de l'Olympe. Voilà, ça, je trouvais que c'était pas mal comme religion. Voilà. Et donc, du coup, j'étais dans cette mythologie. Et quand j'ai pris Ulysse, justement, peut-être aussi naviguant dans ma mythologie, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la danse, je pouvais reprendre des formes fortes du public parce que je voulais aussi toucher le public. Et si j'avais mis déjà c'est compliqué la danse contemporaine, mais en plus avec des titres improbables, j'avais l'impression que les gens allaient fuir. Et je me suis dit, si au contraire je prends des formes mythiques que les gens connaissent et que j'apporte justement une différence, peut-être qu'ils vont voir un intérêt parce qu'ils disent tiens, ou alors ceux vont être choqués, mais c'est intéressant aussi. Et je me disais peut-être que là il va y avoir un contact. Donc c'est vrai que je me suis amusé comme ça. Bon, j'ai continué aussi à faire des choses très personnelles, mais j'ai souvent pris des titres un peu mythiques. Avec donc Ulysse en 81, qui est devenu votre carte de visite, au début des années 80, vous êtes apparu comme le leader, le chef de file de la nouvelle danse française. Vous êtes-vous vécu vous-même comme un chef de file? Non, ça on ne se rend jamais compte. C'est ce que disent tous les artistes. Hein. Non, on voit que la prochaine chose à faire, on voit que les défauts, on voit que le travail à accomplir. Donc on se rend pas compte, on s'en sert, c'est-à-dire qu'on avance. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est avancer. Donc on prend toutes les marches pour pouvoir avancer, mais on le réalise pas. C'est plutôt un véhicule. On se dit tiens, ben j'ai une barque pour y aller, ben je la prends. Voilà. Si je l'ai pas, ben comment je la trouve. Voilà. C'est plutôt cette préoccupation là. Pour moi, c'était de faire vivre une compagnie. C'était de pouvoir continuer parce que j'aimais ce métier. Et donc j'essayais par tous les moyens de continuer. Donc, si ça marchait, ben, tant mieux. Ça veut dire que les portes s'ouvraient plus facilement. Et donc, voilà, je profitais de cette avancée. Et qu'est-ce que c'était, au fond, la nouvelle danse française? Qu'est-ce qui unissait ces représentants? Alors, justement, comme la nouvelle vague, il n'y avait pas vraiment de connexion, en tout cas esthétique. Je pense qu'il y avait des francs-tireurs comme ça, des francs-tireuses qui se promenaient. Et le fait peut-être d'avoir déclenché quelque chose, ça a donné à la profession, au ministère, de dire ben il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Et tout à coup, on a regardé ces francs-tireurs qui étaient isolés. Et on les a rassemblés dans cette nouvelle danse française. Alors moi, j'en rencontrais. Hein, je rencontrais surtout Dominique Bagoué au début. Régine Chopineau, Maggie Marin, on se rencontrait, mais on n'avait pas d'échange véritablement esthétique. On faisait pas du tout la même chose. Et justement, on voulait respecter nos différences. Mais ça lançait un mouvement, parce qu'en France, il n'y avait pas eu encore un mouvement très fort. Il y avait toujours le grand ballet classique qui était reconnu mondialement. Mais tout ce qui était moderne, entre guillemets, venait de l'extérieur. De l'Amérique, surtout, de l'Allemagne. Voilà, donc, il fallait s'imposer en France avec quelque chose de contemporain. Autre figure mythique dans votre programme d'archives, Frank Zappa et Pierre Boulez. Nous les entendrons en 1984, présentant ensemble à la presse un concert qui faisait événement, dans lequel Boulez dirigeait du Zappa une pièce musicale intitulée « The Perfect Stranger ». Pourquoi teniez-vous à entendre cet a priori improbable duo Zappa-Boulez? Et d'ailleurs, de ces deux-là, duquel vous sentez-vous le plus proche? Alors Zappa, bien sûr. Même si, on va tout de suite parler de Boulez. Mais Zappa, d'abord, parce que pour moi, c'est le plus grand. Je trouve, moi, j'aurais aimé être Frank Zappa. Voilà, c'est clair et net. Non, je trouve qu'il a tout. C'est un grand musicien, un grand interprète. Il est déconneur aussi. Alors, il est hyper intelligent. C'est un compositeur, comme une espèce de Mozart du rock, mais un jour de guitare aussi comme on n'en fait plus, et aussi un inventeur de formes. Il était aussi batteur et joueur, c'était très ludique. Donc, c'est le plus grand. Pour moi, c'est le plus grand. Et en plus, il aime tout ce qui est un télo. Il m'a fait découvrir Stravinsky. Et je voyais bien qu'il avait cette part d'intelligence comme ça. Donc, c'est pas étonnant que tout à coup, il s'est mis à composer de la musique contemporaine. Et Boulez, qui n'est pas un imbécile, il s'est dit, mais là, il y a quelqu'un de très fort. C'est-à-dire que c'est pas simplement rock. Et donc, Boulez, qui est... Alors, du coup, moi, j'ai découvert Boulez. J'écoutais beaucoup ses orchestrations. Et donc, je voulais vraiment mettre en scène ce Perfect Stranger. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inouï que de mélanger, justement, toute l'intelligence de Boulez et l'intelligence de Zappa. Et donc vous aviez ce projet qui n'a pas abouti. Ensuite, Zappa meurt, Boulez meurt, et voilà, je suis resté un peu orphelin de cette aventure. Mais elle n'est pas terminée, donc avis aux auditeurs. Si jamais il y a peut-être un endroit pour le faire. Donc vous l'avez dit, Zappa était passionné très jeune pour les œuvres de Varèse, Stockhausen et Ligeti notamment, et il a joué aussi très jeune du rock, du rhythm and blues. Il a toujours donc cherché à synthétiser dans sa musique ses différentes influences, et il est donc un des rares musiciens rock à s'y être risqué avec un certain bonheur. La danse, par nature, n'est-elle pas moins soumise au cloisonnement, plus ouverte à l'expérimentation, au mélange des genres ? Oui, alors... Il y a les deux, hein. On est un peu contraint, comme je l'expliquais, sur la danse contemporaine. Il y avait certaines limites, surtout au début. Et c'est normal, quand on veut défendre une nouvelle idée, on doit rester dans des règles. On peut pas trop vite se promener. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, ayant trouvé un style, une sorte d'outil, je peux rencontrer d'autres arts. Donc il y a une sorte d'ouverture. Et puis alors surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est surtout le partage quand je fais des travaux avec les amateurs, quand on fait des bals, tout à coup on rentre dans la société, tout à coup on partage. Donc j'ai l'impression qu'on a un échange très important avec le corps. Ce que je souhaitais au début pour moi, c'était de faire un acte artistique très fort, très profond, et en même temps un partage avec la danse qui permette de s'amuser, de jouer, de danser avec tous les corps. Et vraiment, je sens que ça fait du bien pour les gens qui ne pensent pas que ça peut être quelque chose d'important, cette poésie qu'ils ont en eux. Comment s'est faite votre propre éducation musicale ? Qu'est-ce qu'écoutait Jean-Claude Galota, adolescent, jeune homme ? Quel rythme ? Quelle mélodie ? Alors moi, j'écoutais tout. J'avais pas beaucoup d'argent, donc j'allais dans une médiathèque et je louais tous les disques. Alors je faisais un peu... Je disais, tiens, je connais pas Malheur, je faisais tout Malheur. J'écoutais tout Malheur, tout Beethoven, tout Ligeti. Et puis ensuite, le rock, avec Zappa, avec tous les Bob Dylan, les Rolling Stones, les Beatles, voilà. Et puis les musiques de recherche aussi, les sonorités, comme Parmigiani. Voilà, j'aimais bien, en fait, tout découvrir. J'allais dans les rayons, comme ça, puis soit je piochais, soit je me donnais des normes. Il faut absolument que je découvre toute l'œuvre de tel compositeur. Voilà, je faisais vraiment... Et la radio, donc, comme j'expliquais, j'écoutais beaucoup la radio, parce qu'on découvre des choses. On dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Puis à l'époque, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de recherche facile. Donc, il fallait aller découvrir ça, aller acheter le disque. Voilà, c'était toute une aventure que d'avoir une culture musicale. Donc la musique est très importante, mais vous ne commencez pas par là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué brièvement, vous travaillez tout d'abord sans musique, Jean-Claude Galota. Oui, c'est ça. Pour moi, la musique, c'est vraiment un aliment pour moi, à la fois sentimental, spirituel. Et puis après, pour la danse, justement, je prenais d'ailleurs aucune musique au départ, c'était vraiment le silence. Et quand j'ai dû mettre de la musique, je rencontrais des musiciens. J'ai commencé par Henri Torgue et Serge Houpin, puis ensuite Strigal. En fait, toute cette culture musicale me servait pour moi personnellement, mais je l'utilisais pas dans mes danses. Et donc, je rencontrais des musiciens, je leur montrais les danses dans le silence. Ils faisaient un peu comme un cinéaste, en fait. Ils regardaient, ils prenaient des photos ou des vidéos, et ensuite, ils composaient la musique. Et ensuite, on recomposait les choses. Moi, je retouchais un peu. Vous ajustiez. On ajustait, voilà, exactement. Avec Frank Zappa, vous avez en commun l'Italie. Qu'avez-vous hérité de l'Italie de vos parents ? Ah, ben c'est une Italie fantasmée, voilà. Parce que quand j'allais en Italie, je me sentais pas italien, je me sentais français. Et quand j'étais en France, j'étais un peu décalé. Et donc ça m'a nourri un imaginaire. J'ai inventé, je crois, une Italie qui n'existe pas en fait, mais qui est le résidu en fait de ce que je pensais, de ce que je croyais, de ce que j'entendais de mes parents. Et donc voilà, je me suis inventé un nouveau monde. D'ailleurs, j'ai inventé une langue qui s'appelle le creul, rouge tout s'il blow de tinsling, voilà, qui vient certainement du napolitain. Voilà, donc je crois que ça m'a nourri un imaginaire d'un lieu qui n'existe pas et qui doit être façonné un peu de la France que j'ai profondément en moi et d'une Italie impalpable, voilà. Jean-Claude Galota, nous écoutons Betty Davis, c'est elle qui chante. Après le rocker savant Frank Zappa, c'est avec un rock moins savant et féminin que se terminera la première partie de votre programme. Il s'agira d'une galerie de portraits de grandes figures féminines du rock, du blues, du rhythm and blues, une émission qui fait directement écho à votre spectacle My Lady's Rock. Autour des voix, entre autres, de Nico, Patti Smith, Janis Joplin ou Tina Turner, que s'agissait-il pour vous d'exprimer, de voir avec cette chorégraphie ? Alors c'était de rendre hommage aux femmes du rock. J'avais fait un spectacle appelé My Rock, qui était plutôt masculin, c'était vraiment mes héros. Et chaque fois que je travaillais sur cette recherche, je m'apercevais, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut se rendre compte plus vite, qu'il y avait toujours une femme qui avait participé au même mouvement. Et donc, je me suis fait une petite liste secrète, comme ça. Je me disais, tiens, c'est drôle. Alors, je l'ai noté, tac. Et puis, quand on a fait My Rock, alors, faut rappeler, My Rock, on l'a fait au Théâtre du Rond-Point. C'était le lendemain des attentats du Bataclan. Et nous, on n'avait pas envie de jouer. Et Jean-Michel m'a dit, bah, écoute, on a l'autorisation de le faire. Donc, on y est allé un peu tristement. Et là, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de chaleur. Et tout à coup, on s'est rendu compte que finalement, les gens étaient là pour défendre la culture, défendre le rock. Et donc, on s'est dit, mais justement, il faut qu'on y aille, il faut qu'on défende ça. Donc, ça nous a donné du cœur au ventre. On y est allé, on a continué. Et Jean-Michel Ribes m'a dit, mais écoute, c'est formidable. T'as pas un deuxième volet ? Et j'ai dit, bah écoute, c'est drôle, j'ai une petite liste secrète, mais c'est que des femmes. Mais il m'a dit, mais c'est génial, c'est encore mieux, on va rendre hommage au rock, à la culture, tout ce que tu dis par rapport aux gens qui sont là, mais en plus, on va y mettre les femmes. Et j'ai dit, bah voilà, super. Et voilà, et j'avais fait cette liste, qui est un peu le miroir féminin des artistes que j'avais trouvés, parce qu'il fallait faire un choix, et donc ce choix aussi, il a été indiqué par cette première liste. De Little Richard à David Bowie, en passant par Jagger et bien d'autres, si le rock a toujours joué de l'équivoque, de l'androgynie, d'une fusion-confusion des genres, n'a-t-il pas été, n'est-il pas toujours resté une affaire masculine ? Oui, bien sûr, malheureusement, parce que c'est aussi la société, c'est pas tellement le rock, parce que, notamment Elvis Presley, donc qui est le dieu du rock, puisqu'on a dit que c'était à partir de lui qu'on faisait une histoire du rock. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est ce qui a été désigné aujourd'hui, en 54, on dit c'est Elvis Presley, c'est l'histoire du rock. Ben lui, tout de suite, il voulait présenter Wanda Jackson. Et ça n'a pas été possible, parce qu'il fallait un homme et un blanc. Voilà, c'était ça que la société réclamait. Et donc, du coup, il n'a pas pu combattre. Et finalement, Wanda Jackson, elle est restée dans l'ombre, elle a fait du country, mais elle faisait aussi bien que lui. D'ailleurs, lui, il le disait, elle chante comme moi, en fait. Elle est d'ailleurs dans votre spectacle. Oui, exactement. Elle commence le spectacle, et je lui rends hommage parce que elles sont extraordinaires. Donc, je crois que c'est plutôt la société qui a été un enfermement pour les femmes. Donc, c'est vraiment presque politique. C'est même pas une histoire de rock, parce que les rockers, entre eux, je pense qu'ils s'aimaient, ils pouvaient avoir une femme, un homme. C'était pas du tout... je pense que c'est pas les rockers hommes qui ont empêché les rockeuses femmes d'exister. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quelle est celle qui, dans le rock féminin, a votre préférence ? Eh ben, justement, peut-être Betty Davis, parce que elle a été une pionnière. D'abord, elle a un talent incroyable, je trouve, dans sa rythmique, dans ses chansons, dans sa voix. Vraiment, j'ai analysé ses musiques. C'est pas simplement du rythme comme ça. Il y a quelque chose de très fort. D'ailleurs, elle a influencé Miles Davis. D'ailleurs, elle a le nom de Miles Davis parce qu'ils ont été mariés. Et elle était tellement en avance sur son temps, peut-être un peu trop crue, parce qu'elle balançait sur le sexe. Elle a été même refusée par les Noirs américains, parce que c'est comme si elle détruisait un peu ce qu'ils essayaient de construire. Et donc, en 1975, elle abandonne tout. Et puis, elle est restée muette depuis. On ne sait pas où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle est devenue. Et pour moi, c'est aujourd'hui la figure féminine la plus importante, parce qu'elle a du talent et elle s'est retirée parce qu'on ne l'écoutait pas. Donc c'est une martyre, voilà. Pour moi, elle a quelque chose de très fort dans ce sens-là. Féminin ou masculin, le rock'n'roll, c'est une musique et c'était aussi une danse. Depuis, pas grand-chose du côté de la danse dans la société, dans la vie, à l'exception du hip-hop. Qu'a apporté le hip-hop et tout ce qui l'entoure à la danse contemporaine, Jean-Claude Galota ? Alors, justement, une certaine frénésie, une façon de bouger un peu différente, peut-être au début un peu trop masculine, un peu trop technique, gymnaste, mais que j'aimais bien. Hein. Et puis ce qui est beau aujourd'hui, c'est que depuis que ça a été reconnu, les femmes aujourd'hui peuvent aussi faire du hip-hop. On trouve autant d'interprètes féminines et même de chorégraphes féminins pour la danse hip-hop. Donc pour moi, c'est très important. Moi, je m'en sers un peu, pas trop, parce que autrement on reconnaît trop des figures, mais je le détourne. Je détourne un peu ce qu'ils ont amené pour être avec eux. Hein, je trouve ça important. Et surtout, ça a été des spectacles extraordinaires de danse hip-hop, surtout quand ils ont commencé à vouloir toucher à la danse contemporaine. Je crois que c'est le mélange entre le hip-hop qui est né dans la rue, hein, qui était vraiment un cri de révolte, comme l'a été pour moi la danse contemporaine. Donc j'avais l'impression d'être un peu un petit hip-hopper de l'époque. Donc je me suis reconnu... Oui, parce que vous avez commencé dans la rue, Jean-Claude. Voilà, exactement, dans les quartiers. Donc moi, c'était l'immigration italienne et dans les caves pour commencer à bouger. Et puis ensuite, ça a été une autre immigration qui s'est faite avec le hip-hop dans la rue et qui est importée des États-Unis, mais qui a donné cette révolte. Et dans les banlieues, c'était vraiment un échange extraordinaire. Et quand moi, j'allais faire des ateliers, je rencontrais des danseurs hip-hop et qui voulaient apprendre de moi. Et moi, je disais, mais non, c'est moi qui vais apprendre de vous. Ils disaient, ah ben, on s'apprend tous les deux. Alors, ouais, d'accord, allez, hop. Et on a essayé de commencer comme ça. On a aidé des compagnies. Moi, j'ai appris en regardant. Eux, ils ont appris comment construire une chorégraphie, pas être simplement sur des battles, c'est simplement à bouger son corps, mais à construire une chorégraphie. Donc voilà, on a échangé beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce mélange de genres extraordinaire, parce que le hip-hop a compris la danse contemporaine et font des spectacles extraordinaires, et nous, on se sert de certains mouvements pour nourrir notre corps. Si on en revient une seconde à Frank Zappa, il a été un musicien extraordinairement prolifique. Vous-même avez été et êtes encore très productif. Est-ce qu'il est important pour vous de produire rapidement quand une idée, un désir s'impose, de ne pas ruminer les choses, de ne pas porter un projet pendant trop longtemps ? Oui, même si on a des projets qui durent, parce qu'on a plusieurs projets en même temps, alors il y en a qui se font, d'autres qui se font pas. Mais c'est surtout de continuer l'aventure avec la compagnie. Pour moi, c'était important de conserver une compagnie. Donc je me disais que chaque année, il fallait que je fasse deux créations, soit une création, une reprise, soit deux créations. Et ça donnait une temporisation pour la compagnie, pour faire les tournées et pour créer. Et donc c'était vraiment quelque chose que je m'étais imposé. Alors au début, ça allait tout seul. Puis des fois, on a un petit coup de mou. Et avec les danseurs, justement, on trouve des idées. Moi-même, des fois, j'étais épuisé. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et avec eux, je déclenchais quelque chose. Ils me renvoyaient quelque chose. Et l'aventure continuait. Du coup, c'était à la fois une aventure artistique et une aventure humaine. Et les deux m'ont permis de... Plus que d'être prolifique, c'est de continuer à travailler avec une compagnie, en fait. Merci Jean-Claude Galota. Nous allons écouter les archives de la première partie de votre nuit rêvée. Dans un instant, Merce Cunningham, comme par hasard, un numéro de Radio Danse proposé par Laurent Goumard, Stéphane Bouquet et Aude Lavigne en 1999. Histoire d'écoute, la Grèce, une histoire d'Ulysse, première partie par Jean-Pierre Vernant en 2002. La seconde partie sera diffusée la nuit prochaine. Pierre Boulez et Franck Zappa, un extrait de Instantané par Brigitte Delannoy en 1984. Et enfin, Roqueuse, un numéro de Opus proposé par Jeanne-Martine Vacher en 1988. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 3h30 pour parler de la suite de votre programme. À tout à l'heure, Jean-Claude Galota. À tout à l'heure, Alban.